Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. L'homme. Deux versions sur l'historique de l'homme, celle de Moïse et celle de Darwin. Maintenant que Darwin, en nous indiquant par quel procédé les espèces se forment et se transforment, nous a donné la clé de son système, il nous faut voir ce système à l'œuvre. Nécessairement c'est par l'homme que nous commencerons cette étude, sa préséance sur tous les animaux lui donnant les titres voulus pour cela. Nous allons donc faire l'historique de ce qu'il fut à l'origine des temps et des changements qu'il subit plus tard, si tant est qu'il en ait éprouvé quelques-uns. Ici encore nous nous retrouvons en face de deux versions, celle de Moïse et celle de Darwin. Exposons d'abord celle de Moïse. Le premier homme d'après Moïse. L'homme fut créé à l'état d'homme fait, pourquoi il ne pouvait être un enfant, peinture de Cétache par Lucrèce, il admet que la terre sécrétait du lait, cette hypothèse prise au sérieux, la fin du petit être eut toujours été malheureuse. Le premier homme dut être plus qu'un homme, notions anticipées qu'il reçut du Créateur. Nécessité d'une révélation. J'ai à peine besoin de rappeler que, d'après la version de Moïse, le premier homme sortit des mains du Créateur à l'état d'homme fait que, de plus, il avait reçu une étincelle de cet esprit divin qui gouverne et qui régit les mondes. C'est que, lui aussi, allait avoir un monde à régir et à gouverner. Or, en l'absence même des témoignages historiques, le bon sens seul indique qu'il n'aurait jamais pu accomplir sa mission, s'il n'eût eu son entier développement physique et n'avait été doué des plus hautes facultés de l'intelligence. Rappelons dans quelles circonstances l'homme parut sur la terre. Déjà elle était peuplée de toutes les espèces animales, féroces ou domestiques, dont la géologie nous montre les irrécusables débris et, pour quelques-unes, les fossiles gigantesques. Il fallait donc qu'arrivait le dernier il prit place parmi elles, il fallait, de plus, que cette place fût la première, puisqu'il était dans sa destinée de leur commander en maître et de se faire obéir en roi. Or que de dangers à éviter, de problèmes à résoudre. On comprend déjà que l'homme ne pouvait être un enfant. Je n'en veux d'autre preuve que la peinture si saisissante que Lucrèce a donnée de cet âge. Tel, dit-il, qu'un hochet que les flots en courroux ont lancé sur la grève, l'enfant gît à terre, tout nu, ne trouvant aucun secours dans sa vitalité, dès que la nature, l'arrachant avec effort des flancs maternels, le livre à la lumière du jour, il remplit de ses vagissements lugubres le lieu qui le reçoit. Et il a raison, tant il lui reste dans la vie de mots à traverser. Si, en effet, on admettait que l'homme eût pu naître à l'état de première enfance, il faudrait supposer que la terre aurait sécrété tout exprès pour lui un lait capable de le nourrir. Jusqu'au jour où il aurait été en mesure de pourvoir lui-même à sa propre subsistance. Hélas, pourquoi faut-il que j'ajoute que Lucrèce n'a pas reculé devant une pareille énormité? Lorsque, dit-il, les germes des enfants, arrivés à maturité, sortaient du sol pour s'épanouir à l'air, la nature, concentrant ses efforts, forçait la terre à s'entr'ouvrir pour livrer passage à un suc semblable à du lait. De même aujourd'hui les femmes, quand elles enfantent, se gonflent de cette douce liqueur, par l'afflux des sucs alimentaires vers la mamelle. Ainsi, la fécondité, du sol, cesse d'être une métaphore. La terre est bien réellement, une mère nourricière, Ses entrailles, engendrent de gros bébés et son sein, représente une vraie mamelle. Et dire que toutes ces folies sont débitées en vers admirables. Mais, même en admettant comme vraie cette hypothèse, la fin du malheureux petit être n'en eût pas été moins misérable. Il se fût nécessairement produit à ses dépens quelques-uns de ces drames, comme on en observe trop souvent dans nos campagnes, alors qu'on a oublié de fermer la porte, qui fait communiquer la basse cour, avec le bâtiment où se trouve un berceau. Le premier animal venu, peut-être quelque animal immonde, n'aurait fait de notre petit aïeul autant de dire qu'une bouchée. C'est que déjà l'île Louve, toute prête à allaiter les Romulus, devait être chose rare. Il nous faut donc forcément en revenir à la version de Moïse, et admettre que notre aïeul fut d'emblée un homme. Oui, il fut un homme. Il fut même plus qu'un homme, dans l'acception ordinaire du mot. Quelque parfaite, en effet, que, vous supposiez son organisation physique et intellectuelle, il se serait encore trouvé très au-dessous de sa tâche, s'il n'eût reçu par anticipation de son créateur certaines notions que procure seule la pratique, l'habitude, l'expérience. Ainsi, avec quoi se vêtir, où se loger, de quels aliments faire usage et à quelle préparation les soumettre? Puis, comment fixer son choix parmi tous ces animaux, les uns devant continuer de vivre en liberté, d'autres subir le joug pour partager ses labeurs, d'autres devenir ses compagnons, j'ai presque dit ses amis? La terre elle-même, à quel mode de culture la livrer? Enfin, ce sera peu d'avoir ainsi pourvu aux exigences du moment, il lui faudra se préoccuper encore des besoins et des éventualités de l'avenir, toute chose, je le répète, que l'homme, à ses débuts dans l'existence, ne pouvait puiser dans son propre fond. D'où la nécessité de notions primitives venant directement de Dieu, disons le mot, d'une révélation. La révélation. La révélation figurée par la statue de Pygmalion, idée que s'en faisaient les anciens, Socrate, Platon, Cicéron, Lucain, opinion des modernes, développement par Voltaire, quelques autres témoignages, le surnaturel, Monsieur Guizot. La révélation qui a doté le premier homme des hautes facultés dont il avait besoin pour remplir sa mission a été figurée, par la mythologie païenne, sous la forme d'un feu sacré que Pygmalion aurait dérobé au ciel pour en animer sa statue d'argile. L'homme, lui aussi, est une statue d'argile, mais le feu qui l'anime, et qui est comme le foyer d'où émanent tous les dons de l'esprit, de l'intelligence et du cœur, ce feu, il ne l'a pas dérobé, il l'a reçu directement de Dieu par la révélation. Ce sont là des vérités tellement primordiales que l'Antiquité elle-même, par les seules ressources de la philosophie, était parvenue à les comprendre. Socrate enseignait que, les anciens, plus proches des dieux, nous avaient transmis les connaissances sublimes qu'ils en avaient reçues. Les premiers hommes, a dit Platon, sortis immédiatement des mains de Dieu, ont dû parfaitement le connaître comme leur propre père. Nos premiers ancêtres, a dit également Cicéron, étant plus près de l'origine et de Dieu, savait mieux ce qui était vrai. Enfin, Lucain, l'auteur de la Pharsale, va jusqu'à prononcer le mot de révélation, Dieu, dit-il, révéla à l'homme, en lui donnant la vie, tout ce qu'il lui importait de connaître. Voilà pour la philosophie antique. La philosophie moderne, même par l'organe du plus grand ennemi du catholicisme, est bien obligé de reconnaître les mêmes faits. Voici, en effet, comment s'exprime Voltaire. Il est clair que l'homme n'a pu par lui-même avoir été instruit de tout cela. L'esprit humain n'acquiert aucune notion que par l'expérience. Nulle expérience ne peut nous apprendre, ni ce qui était avant notre existence, ni ce qui est après. Les plus grands philosophes n'en savent pas plus sur ces matières que les plus ignorants des hommes. Il en faut revenir à ce proverbe populaire, « La poule est-elle avant l'œuf ou l'œuf avant la poule ?» Le proverbe est bas, mais il confond la plus haute sagesse, qui ne sait rien sur les premiers principes des choses sans un secours surnaturel. Je ne relèverai qu'une phrase de cette déclaration si remarquable de Voltaire, c'est celle où il dit « Nulle expérience ne peut nous apprendre, ni ce qui était avant notre existence, ni ce qui est après. » Ni ce qui est après. Et, en effet, ainsi que l'a dit un poète, quel homme a jamais su, par sa propre lumière, si, lorsque nous tombons dans l'éternelle nuit, notre âme avec nos sens se dissout tout entière, si nous vivons encore ou si tout est détruit ? Confère le précis de l'Ecclésiaste. C'est que nous ne portons rien en nous, ni en dehors de nous, du moins quant aux apparences de notre nature humaine, qui puisse nous donner l'idée absolument certaine que notre âme est immortelle. Quand l'homme meurt, son corps se détruit, et rien ne dit à nos sens que cette destruction n'est pas aussi définitive que celle de la bête ou de la plante. Laissons André Chenier nous développer cette pensée, dans sa belle imitation d'Homère. Humain, nous ressemblons aux feuilles d'un ombrage dont au fait des cieux le soleil remonté rafraîchit dans nos bois la chaleur de l'été, mais l'hiver, accourant d'un vol sombre et rapide, nous sèche, nous flétrit, et son souffle homicide secoue et fait voler, dispersé dans les vents, tous ces feuillages morts qui font place aux vivants. Il résulte donc des témoignages que nous venons d'indiquer, et qui sont d'autant moins suspects qu'ils émanent des sources les plus différentes, que c'est à l'acte surnaturel appelé révélation que le premier homme a dû de pouvoir remplir sa mission sur la terre, et de connaître quel avait été son passé et quel devait être son avenir. Et qu'on ne m'accuse pas d'abuser ici du mot « surnaturel ». Nous venons d'entendre Voltaire s'en servir. Monsieur Guizot a dit dans le même sens. Le surnaturel donne seul la solution de l'origine et des destinées de l'homme. Ceux-là même qui nient son intervention dans notre monde et dans notre histoire sont contraints de s'arrêter devant le berceau surnaturel de l'humanité, impuissant à en faire sortir l'homme sans la main de Dieu. Confère l'Église et la société chrétienne en 1861. L'homme de la déchéance. L'homme antédiluvien, doute de Cuvier sur son existence, et l'est démontré par les fossiles, le troglodyte, inventaire de la grotte d'Orignac, squelettes humains, ossements d'animaux, échantillons de l'industrie humaine, état particulier des eaux, huttes en fumée, singulier mode d'éclairage, l'Éden d'après Moïse et Ovide, à l'âge d'or succéda à l'âge de pierre. Maintenant que nous venons de dire ce qu'était le premier homme au sortir des mains du Créateur, arrivons à la seconde phase de son existence, ou plutôt voyons ce qu'est devenue sa race. Nous savons déjà son entière submersion, sauf une famille, par le déluge. Nous avons établi également que le fait du déluge était passé à l'état de croyance universelle. Mais alors est intervenue la géologie qui, ne rencontrant pas, parmi les débris fossiles des animaux, de détritus de l'homme, en a conclu que l'homme lui-même devait être postérieur à ce grand cataclysme. Or la géologie est une science avec laquelle il faut compter, car, si nous invoquons son témoignage lorsqu'il nous est favorable, comment le récuser par cela seul qu'il peut paraître contraire? Ce qui rendait la chose plus grave encore, c'est la réserve extrême avec laquelle Cuvier s'exprimait sur l'homme antédiluvien. Voici ses propres paroles. Je ne veux point conclure que l'homme n'existait point du tout avant l'époque du grand cataclysme. Il pouvait habiter quelques contrées peu étendues, d'où il a repeuplé la terre après ces événements terribles, peut-être aussi les lieux où il se tenait ont-ils été abîmés, et ses eaux ensevelies au fond des mers actuelles. C'était donc là, pour qui sait lire entre les lignes, un désaccord sinon un conflit des plus regrettables. Heureusement il devait se résoudre de la manière indiquée par Madame Swetchin dans une phrase justement célèbre, que tout homme de science et de conscience devrait avoir constamment présente à la mémoire. Lorsque, écrivait-elle, deux vérités en présence paraissent opposées, il ne faut toucher ni à l'une ni à l'autre, et se dire qu'il y en a une troisième, restée encore dans le secret de Dieu, et qui se révélera pour les concilier. C'est effectivement ce qui est arrivé pour le cas qui nous occupe. L'homme antédiluvien a existé bien réellement, ainsi que l'a démontré M. Boucher de Perthes par sa découverte, en 1815, d'une mâchoire humaine dans le terrain diluvien de Moulin-Quignon, près d'Abbeville. Ainsi que le prouvent également les nombreux fossiles que l'on rencontre tous les jours dans des terrains antérieurs à l'inondation du globe. Voir, pour les détails sur l'homme antédiluvien l'appendice. Il résulte, de plus, des documents fournis par l'inspection de ces terrains, que les hommes d'autrefois habitaient des cavernes. C'est du reste ce que la tradition avait appris depuis longtemps. Aussi Homère les désigne-t-il sous le nom de troglodytes, mot dont l'étymologie grecque signifie « habitant des cavernes ». On retrouve la même qualification dans Pline. Si maintenant nous voulons avoir une idée de l'existence qu'on menait dans ces cavernes, il nous suffira de faire l'inventaire de l'une d'elles, la nature de son mobilier, indiquant suffisamment le genre de vie de ses hôtes. Nous prendrons comme spécimen la grotte d'Orignac, Haute-Garonne. C'est celle où l'on a trouvé le plus de squelettes humains. 17. C'est celle également où les fouilles habilement dirigées par M. Édouard Lartet ont amené les résultats les plus curieux. En voici un aperçu sommaire. On y a découvert d'abord quelques débris des 17 squelettes humains que l'on avait inhumés dans le cimetière de la paroisse. Peu de temps auparavant, sans en soupçonner l'origine ni surtout la haute valeur historique. Puis, plus profondément, apparurent des couches d'ossements de nombreuses espèces animales, les unes éteintes, les autres encore vivantes. C'était, comme espèces éteintes, grand ours, mammouth, rhinocéros, grand tigre, hyène des cavernes, cerf gigantesque, et, comme espèce encore vivante, auroch, renne, cheval, âne chevreuil, sanglier, renard, loup, chat sauvage, blaireau putois. Vous eussiez dit un diminutif de l'arche de Noé. Parmi ces ossements se trouvaient, confondus pêle-mêle, de nombreux échantillons de l'industrie humaine, savoir, une centaine de silex bien taillés, figurant des couteaux, des poinçons, des armes de différentes sortes, de blocs, de silex également, qui paraissaient avoir été des projectiles de fronde, des têtes de flèches, façonnées grossièrement, sans ailes ni barbe, et dont quelques-unes semblaient avoir subi l'action du feu. Comme si elles étaient restées dans le corps de la bête pendant sa cuisson, un poinçon en bois de chevreuil, très soigneusement appointé, qui avait dû servir à percer des peaux d'animaux pour les coudre. Enfin, des lissoirs en bois de renne, ressemblant beaucoup à ceux qu'emploient encore les Groenlandais pour abattre les coutures de leurs grossiers vêtements. Quelques-uns de ces ossements étaient en partie carbonisés, d'autres seulement roussis, d'autres enfin n'avaient nullement subi l'action du feu. Tous les os à cavité médulaire étaient brisés longitudinellement, indice certain que cette opération avait été faite pour en extraire la moelle. Un certain nombre d'entre eux offraient des entailles peu profondes, attestant l'effet d'un instrument tranchant qui aurait servi à en détacher les chairs. Chez quelques autres, ces entailles n'étaient autres que l'empreinte des dents d'un animal qui était venu les ronger, probablement après le départ de l'homme. Il a été facile de reconnaître, à ses laissés, que cet animal était l'hyène des cavernes. Nous venons de dire que les ossements des animaux qui avaient servi à l'alimentation de l'homme étaient tous brisés dans le même sens, c'est-à-dire en long. Une autre particularité qui s'y rattache, c'est que ces ossements avaient tous appartenu à la tête ou aux membres. Pourquoi cela? C'est que les chasseurs, quand ils venaient de tuer un animal, ne prenaient pas la peine de le transporter en entier dans leur demeure, ils le dépeçaient sur place, n'emportant avec eux, outre les chairs, que la tête et les membres, parce qu'ils savaient devoir y trouver la cervelle et la moelle, dont ils étaient très friands. C'est un peu comme procèdent aujourd'hui les chasseurs de Buenos Aires, qui se contentent d'enlever la peau des bœufs qu'ils ont tués, abandonnant les débris de l'animal sur le lieu même de son trépas. Ajoutons que cet usage de casser les os à moelle existe encore chez les Groenlandais et les Esquimaux, pour lesquels la moelle est de même le mets de prédilection. L'homme troglodyte laissait amonceler dans sa demeure la dépouille des animaux, aussi bien que les détritus de ses repas. La malpropreté était donc poussée chez lui aux dernières limites, qu'on se figure la hutte enfumée d'un lapon. Enfumée, n'est point ici, comme on pourrait le croire, une épithète banale, elle peint très bien, au contraire, l'atmosphère de la pièce. On a trouvé, en effet, de petits ossements carbonisés qui prouvent que l'homme primitif employait le même mode d'éclairage que les habitants des îles Féroé. Ce mode consiste, comme on le sait, à convertir le corps d'un pingouin en une véritable lampe. Il suffit pour cela de le vider et d'introduire dans son bec une mèche allumée qui s'alimente avec la graisse de l'oiseau qu'elle fait fondre comme elle s'alimenterait avec de l'huile. Telle était la demeure ou plutôt tel était l'antre, le repère, le bouche qu'habitaient nos premiers parents. Nos premiers parents, ai-je dit, je me trompe, ce n'était pas là nos premiers parents, c'était simplement leur fils dégénéré. Nos premiers parents, au sortir des mains du Créateur, furent placés au contraire dans un lieu de délices, où ils ne devaient connaître ni les rudes labeurs, ni les dures nécessités de l'existence. Ce lieu de délices, dont le nom seul réveille en nous comme de lointains et impérissables souvenirs, était le paradis terrestre ou Éden. Moïse nous en donne une description pleine de charme qu'Ovid, à son insu, n'a fait que reproduire, en la décorant de toutes les splendeurs de la poésie. On y jouissait, dit-il, d'un printemps perpétuel, et la tiède haleine des zéphyrs caressait doucement les fleurs écloses sans semences. La terre, vierge encore, et respectée du soc de la charrue et de toute autre atteinte, fournissait spontanément d'elle-même d'abondantes moissons. J'abrège, car ces ravissantes peintures, que semble traverser je ne sais quel souffle biblique, sont restées présentes à la mémoire de tous. Mais, hélas, nous écrirons-nous à notre tour avec un autre poète, comment en un Plomville l'or pur s'est-il changé? Comment la postérité d'Adam a-t-elle pu se trouver réduite à la condition misérable que nous venons de dire, et dont il est facile, par la pensée, de faire revivre la navrante réalité? C'est que la punition divine qui frappe à l'homme, au moment de la chute originelle, l'atteignit au même degré dans son corps et dans son âme, joignant à la dégradation physique la dégradation morale. Selon l'arrêt porté, il mangea désormais bien réellement son pain à la sueur de son front, et ce fut seulement au prix des travaux les plus pénibles et des épreuves les plus douloureuses qu'il put fournir à sa demeure, à sa conservation, à son vêtement. C'est ainsi qu'à l'âge d'or succéda l'âge de pierre. Consultez, pour plus de détails, la description de l'âge de pierre, dans l'appendice. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.